J'ai prié le temps de me raconter s'il y avait du bon feu de ton côté. Je me souviens un peu d'une autre année. On était bien tous deux à tout se donner. Puis la pomme est revenue. Tout le long d'une avenue, juste un peu plus loin encore, j'y arrive où je m'endors. Au seuil du dernier jour, celui que l'on vit tous les jours, en se demandant pourquoi, comment et pour qui l'on voit si doucement. Si lentement, je pense à toi encore une fois. Au silence, je transformais mon âme en plusieurs formes. Et au son, je m'enivre. Et mon corps se délivre. Si, si, si, doucement. Si, lentement, je pense à toi. Encore une fois. Puis je reviens me rasseoir. Et me trouver une autre histoire. J'irai rêver jusqu'à demain. Pour me suivre le chemin. Au seuil du dernier jour, celui que l'on vit tous les jours, en se demandant pourquoi, comment et pour qui l'on voit si doucement. Si lentement, je pense à toi. Au silence, je transforme, yeah, mon âme en plusieurs formes. Et au son, je m'enivre. Et mon corps se délie. Si, si, si, doucement. Si, lentement, je pense à toi. Encore une fois. Puis je reviens me rasseoir. Do you know? Do you know?